Voici Histoire vivante. Très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, la guerre et les affaires. Affrontement et rapprochement. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. Il faut bien penser que le premier acte de collaboration, c'est la signature d'un armistice. SOL, debout ! Notre pays meurtri par la défaite, accablé par les clauses de l'armistice, et maintenant aux prises avec ceux qui hier furent ses alliés ou se disaient ses amis. Aujourd'hui, la collaboration, deuxième épisode. Dans les années 90, paraissait en France un ouvrage qui faisait quelque bruit, Patron sous l'occupation. Ces deux auteurs, Renaud de Rochebrune et Jean-Claude Azéra, s'interrogeaient. Tout dirigeant d'une société de quelque importance, entre 1940 et 1944, était-il condamné à travailler pour l'Allemagne ? Pouvait-on rester patron et devenir résistant ? Comment s'est déroulée l'aryanisation des entreprises juives et quelles ont été les responsabilités françaises ? Quel rôle a joué le monde des affaires dans le marché noir ? Quelle a été son influence sur le gouvernement de Vichy ? L'épuration a-t-elle épargné la quasi-totalité des patrons ? Renaud de Rochebrune. Notre source principale a été les dossiers, en fait, des tribunaux et de la justice après-guerre. En gros, contrairement à ce qu'on croit souvent, à peu près tous les patrons et tous les chefs d'entreprise après-guerre ont eu à rendre compte, on dira peut-être de quelle manière, de ce qui s'est passé pendant la guerre, de s'ils ont livré aux Allemands ou pas, de si, ce qu'ils ont fait par rapport à leur activité de chef d'entreprise pendant l'occupation. Et donc, cette question éthique se pose tout de suite, puisqu'effectivement, on se demandait, sinon, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place ? En tout cas, est-ce qu'ils avaient de bonnes raisons ou de mauvaises raisons de faire ce qu'ils ont fait ? Est-ce que c'était un comportement civique acceptable ou pas ? Etc. Donc, dès l'origine, par les sources même, en général, de notre matière, cette question est centrale. C'est très important parce que la moitié de ce livre, dans son contenu peut-être, sort des instructions d'après-guerre qu'on trouve dans les tribunaux, qui ont l'avantage immense d'être contradictoires, puisqu'il y a une accusation et il y a des gens qui se défendent, d'être avec des dossiers, donc des dossiers qu'on a pu consulter, qui étaient en général des dossiers fermés, qu'on a souvent été les premiers à consulter, puisque comme ils mettent en cause des personnes, et que ces personnes sont amnistiées en général après-guerre, comme je le disais tout à l'heure, c'était délicat à consulter, il fallait des dérogations aux archives nationales, qui n'étaient pas toujours faciles à obtenir, pour pouvoir raconter ce qui s'était passé dans telle et telle entreprise, tel et tel secteur, et immédiatement se pose cette question de la légitimité, disons, des actions des entrepreneurs pendant l'occupation. Parmi les différents industriels évoqués dans leur ouvrage, le cas du constructeur de camions Berliet est représentatif. Le cas de Berliet, pourquoi il est en tête du livre ? C'est parce qu'il nous a paru exemplaire de la plupart des questions majeures, pas toutes, mais qui se sont posées pendant l'occupation au patron. Il y a à la fois le problème de la profondeur historique. Berliet, s'il répond « oui, je veux bien livrer des camions, mais pas des obus », par exemple pendant la préparation de la guerre, c'est tout simplement parce que il a mis en danger la pérennité de son entreprise après la guerre de 14-18, en ayant fabriqué des obus, ce qui a désorganisé complètement sa production, et qui fait que son entreprise a eu le plus grand mal à se rétablir après la guerre de 14-18, après la Grande Guerre. Donc il avait ce souvenir-là, et donc il n'avait pas très envie d'aller fabriquer des obus en disant, on ne savait pas quelle serait l'issue de la guerre. À l'époque, on pouvait imaginer qu'elle serait très courte. Les Français croyaient souvent ça, notamment l'état-major. Donc, son idée, c'était, ne répétons pas ce qui a failli faire sombrer l'entreprise à cette époque-là. Autre profondeur, on est peu après les événements de 36, les événements de ce type, etc. Donc il y avait un climat social qui n'était pas facile chez Berliet. Donc Berliet était dans une position dure, on va dire, à l'époque, par rapport au pouvoir public, par rapport aux syndicats, par rapport en partie à son personnel. Donc il est très raide à ce moment-là, on va le dire comme ça, par rapport à ce qui se passe. Et par ailleurs, pendant l'occupation, Berliet a un problème majeur. Il a des usines des deux côtés de la ligne de démarcation. Il y a la zone libre et la zone occupée à l'époque. Et pour pouvoir faire marcher son entreprise à Lyon, en zone libre, où il est, donc où c'est assez commode de continuer à produire, ce qui n'est pas le cas toujours en zone occupée, il lui faut des pièces qui viennent de la zone occupée. Et donc, il est obligé de négocier avec les Allemands pour essayer d'obtenir ces pièces. Donc, il est tout de suite pris au piège de devoir négocier avec les Allemands et d'être déjà dans une posture d'accommodation, on va dire, de l'occupation, bien qu'il ait son siège social en zone libre. Et donc, on voit bien comment on est pris tout de suite dans toute une série de questions. Qu'est-ce que je vais accepter ou pas de ce que me demandent les Allemands? En échange de quoi je peux accepter pour qu'ils me livrent des batteries? C'était ça en particulier qui venait de la zone occupée pour mes camions. Qu'est-ce que je peux accepter ou pas de faire pour pouvoir continuer à produire en ayant ces batteries, etc. Et une fois qu'on a mis le doigt dans ce genre de négociations, difficile d'en sortir. Pour l'Allemagne nazie, l'industrie en territoire occupé, c'est avant tout une affaire de communication. Mais avant d'aller vous faire un bref reportage à travers les galeries du Petit Palais, nous avons tenu à venir dans l'un des modernes bureaux installés dans les sous-sols du palais et demander au baron von Giersewald, qui est avec le docteur Elsner, l'organisateur de cette exposition, quelques détails préliminaires. Monsieur, depuis un mois, je suppose, votre exposition a dû remporter un très vif succès auprès des industriels français pour que vous ayez déjà été dans l'obligation de l'agrandir. Mais certainement, au cours de ce premier mois d'existence, le salon technique a reçu la visite de plus de 2500 maisons françaises intéressées qui ont proposé à des industriels allemands la fabrication de plus de 8000 articles exposés. Le succès même de cette exposition nous a amené à en perfectionner l'organisation et je puis d'ores et déjà annoncer à vos auditeurs que la plus grande amélioration apportée tient dans le fait que le temps qui s'écoule entre une offre française et la commande par un industriel allemand est maintenant considérablement réduit. Eh bien, mes chers auditeurs, nous allons maintenant vous faire visiter les nouvelles salles et les nouvelles galeries qui, ainsi que vient de vous le dire le baron von Giersewald, viennent d'être ouvertes au public des industriels français. Je terminerai ce bref reportage au salon technique et industriel allemand du Petit Palais en invitant, comme je l'avais fait l'autre jour, lors du premier reportage, les industriels de province à demander au plus tôt, par l'intermédiaire des commandantures locales ou par l'intermédiaire du groupe de leur industrie, les cartes d'entrée qui sont nécessaires pour visiter ce salon qui n'est pas, je le rappelle, ouvert au grand public, mais réservé simplement aux artisans, aux directeurs d'usine, aux propriétaires d'entreprises français. Mes chers auditeurs, je pense que cette visite au salon technique allemand du Petit Palais à Paris a réussi à intéresser un grand nombre d'entre vous. Je répète pour terminer ce que je vous disais l'autre jour, tout le bien que je pense de cette initiative extrêmement intelligente qui doit permettre un juste équilibre des forces de production et de consommation dans l'Europe actuelle, qui permettra à de très nombreux chômeurs de retrouver du travail, à des entreprises françaises actuellement en sommeil, de renaître à la vie. Et je crois que c'est l'exemple, le premier sans doute, et le plus intelligent certainement, d'une collaboration qui n'est plus simplement dans les mots, mais réellement dans les faits. Pendant les années d'occupation, l'Allemagne va prélever 30% du revenu national français. Les travaux publics, la mécanique, la métallurgie, la chimie travaillent presque exclusivement pour l'occupant. Francolor, Havas Publicité, sociétés mixtes sont sous contrôle allemand. À Vichy, le responsable de la production industrielle est Jean Bichelonne. Il favorise la collaboration économique. Au Grand Palais, inauguration par M. Bichelonne, ayant à ses côtés le ministre Schleyer, de l'exposition de la production industrielle. L'exposition a pour but de présenter l'effort réalisé par la France depuis 1940 afin de s'adapter aux difficultés économiques d'aujourd'hui et de préparer surtout le redressement de demain. Cette manifestation est un acte de foi dans les destinées de l'économie française. La foire internationale de Lyon vient de s'ouvrir. Elle est inaugurée par M. Bichelonne, secrétaire d'État à la production industrielle, M. Lagardelle, ministre du Travail, M. Brevier, sous-secrétaire d'État aux colonies. La présence de nombreuses participations étrangères souligne l'importance de cette manifestation qui montre également le grand effort de l'industrie française afin de s'adapter aux circonstances actuelles, conditions premières de notre salut. Claude Lévy, historien. La collaboration administrative, il faut revenir à des textes de 1907 relatifs au droit de la puissance occupante. En principe, d'après ces textes de droit international, les administrateurs doivent agir sous l'autorité de la puissance occupante, mais jusqu'où ? Ça a été un grand déchirement pour la classe préfectorale, et certains préfets sont allés fort loin dans la collaboration, qu'il s'agisse de la déportation des Juifs dès 1942 ou de la lutte anticommuniste avant juin 41. Tous les préfets se lèvent. Un huissier vient d'annoncer l'entrée du maréchal. Le maréchal monte les degrés de l'estrade. Il est en tenue militaire. Il est accompagné de l'amiral Darlan et de M. Pierre Pucheux. Vous avez entendu le maréchal dire « Monsieur, la séance est ouverte. Monsieur Pierre Pucheux va prendre maintenant la parole. » Monsieur le maréchal, j'ai le grand honneur de vous présenter aujourd'hui messieurs les préfets de France. À votre appel, ils sont venus de tous nos départements. Et leur rassemblement autour de vous est à l'image d'un pays qui veut, plus que jamais, se serrer autour de son chef. Monsieur le maréchal, les membres du corps préfectoral qui sont rassemblés devant vous sont fiers de la haute mission que vous leur avez confiée. Ils n'ignorent pas que dans le passé, la décadence de nos institutions politiques a fait déliter peu à peu le caractère élevé de leurs fonctions. Leur rôle s'était trop abaissé à la préparation de besognes électorales transitoires, sans continuité, sans doctrine, sans grandeur. Mais ils savent que l'essentiel reste de devenir, par votre volonté et en votre nom, les guides politiques de l'opinion, les chefs intellectuels et moraux de leurs administrés, en un mot. Ils ont le devoir d'accéder à un rôle dans toute l'acception du terme, de véritable chef spirituel. Je crois, monsieur le maréchal, que ministres et préfets, nous avons, les uns et les autres, compris votre pensée profonde. Et que chaque jour qui passe, nous avance un peu plus sur la voie que vous avez tracée. Claude Lévy. Quant au cas de la collaboration policière, il semble que, en matière de répression anticommuniste, la répression policière ait été plus loin que la répression anti-gaulliste. En ce qui concerne la répression antisémite, il faut dire que, outre la police d'État, il y avait une police des questions juives, mais il y a eu une rigueur dans la collaboration policière qui a varié selon les époques. À mon avis, elle a été plus forte dès 1941, avec un maximum lors des grands rafles des deux zones de l'été 42, et elle va, en s'atténuant, en 43-44, parce que la conjoncture est là, et il vaut mieux mettre une sourdine à cette sorte de répression. Si en 1944, tous les collaborationnistes sont devenus fascistes, il n'en est pas de même au début de la guerre. Les parcours politiques des uns et des autres sont multiples. Comment définir le ou les fascismes à la française ? Pascal Horry, historien. Dans les organisations qui vont renaître en 40 ou qui vont naître à partir de 40, entre généralement 40 et fin 41 pour l'essentiel, certaines sont créées par des hommes qui ont un passé de démocrate ou un passé de républicain, voire pas de passé du tout. Les deux principales organisations sont celle de Doriot et le Rassemblement National Populaire de Marcel Déa, qui semble avoir eu des effectifs plus instables, moins sollicités, moins motivés certainement, plus proches des classes moyennes, et cela correspond tout à fait à la personnalité de son chef, qui était un pur produit de la Troisième République. Une Troisième République minée par la perte de l'Alsace-Lorraine après la guerre de 1870 et qui voit dans le pays monter un axe de la revanche contre l'Allemagne. Parmi eux, une figure comme celle de Paul Déroulède, député, farouchement anticolonial, défendant le catholicisme avec des relents antisémites et paradoxalement jugeant Dreyfus innocent du crime dont on l'accuse. Paul Déroulède, également auteur. Je me souviens qu'un vieux paysan qui avait son fils sous les drapeaux eut l'indiscrétion de troubler notre tête-à-tête pour me demander avec anxiété quand les troupes partiraient. J'eus l'impudence de lui répondre « Est-ce que je sais ?» Le regard de mépris que me lança cet homme entra dans mes yeux comme un éclair. Le reproche silencieux de ce père de soldat dissipa ma torpeur et commença le réveil de ma conscience de Français. Je sentis que je venais de manquer à la solidarité qui m'unissait, avant tout et malgré tout aux hommes de mon pays. Pour la première fois, ma prétendue philosophie humanitaire m'apparut comme une apostasie et mon égoïsme amoureux comme une désertion. La cruauté de ma réponse se révéla à moi dans toute sa vilenie. J'eusse voulu en demander pardon sur l'heure au vieillard, mais il nous avait brusquement tourné le dos. Et nous étions de nouveau seuls sur la route. Un grand pas était fait sur mon chemin de Damas. Paul Déroulède, feuille de route, 1907. Tout de même, vous rendez compte, c'est quelqu'un qui tente un putsch. Eh bien, le procès qui a lieu en cour d'assises voit la majorité du jury populaire, jury populaire de cour d'assises, innocenté Déroulède, qui sort du tribunal libre. Déroulède ne faisait pas le poids, comme on dit, n'est-ce pas, pour être un vrai leader national. Et parmi les autres chefs du nationalisme, aucun ne s'est véritablement dégagé comme ça avait été le cas de Boulanger ou comme c'est le cas de Jean-Marie Le Pen au XXe siècle. Un personnage doit être également évoqué, Charles Maurras, fondateur de l'Action française que revendiquera plus tard le Front National. Comment définir le profil de Maurras ? Michel Vinocq. Un nationaliste qui arrive à comprendre, selon lui, que la bonne solution du nationalisme, c'est-à-dire la protection de la nation française contre tous les dangers qui la menacent, c'est la restauration monarchique. Si Maurras n'est pas chrétien, en revanche, il défend le catholicisme, l'Église, n'est-ce pas ? Alors, il déteste les évangiles qui ont été écrits, n'est-ce pas, par quatre juifs obscurs. Ça l'intéresse pas. Mais ce qu'il aime, c'est évidemment l'ordre. La France, fille aînée de l'Église, est avant tout une nation catholique. L'Église sert aussi à ça, n'est-ce pas, à identifier. Alors, contre le juif, justement, contre celui qui n'est pas catholique, contre le franc-maçon, contre le protestant. Non, la France, le français, le vrai français, il se rattache à l'Église, même s'il ne croit pas en Dieu, mais il se rattache à l'Église. Après la guerre, l'Action française, du même coup, a connu son apogée. En 1918, en effet, il est reconnu, elle est reconnue, et son journal est reconnu comme un des grands journaux patriotes, nationalistes. Ça durera encore quelques années, jusqu'au moment où, en 1926, le pape va condamner l'Action française. Autre personnage prêt à entrer en scène dans l'entre-deux-guerres, le colonel de la Roque. Nous sommes vraiment la grande collectivité de laquelle s'élève la voix de la sincérité, de la fraternité, de l'honneur. Nous sommes vraiment le symbole de la réconciliation française. La Roque n'est pas fasciste. Pierre Milza, historien. La Roque souhaite une France à la fois traditionnelle et populiste. Il joue un petit peu sur les deux tableaux. Il a d'ailleurs une clientèle qui est à la fois celle des beaux quartiers et puis celle de certains milieux populaires. Et lui, c'est une véritable force. C'est plusieurs centaines de milliers d'adhérents dans les années 30. Les années 30, ces années tant évoquées, tant redoutées pour parler du présent. Tentative de putsch boulanger, des roulades, la cagoule. Le climat est à la radicalisation. Fascisme italien, salazarisme portugais, franquisme espagnol, national-socialisme en Allemagne, auquel s'ajoute l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Pierre Milza, historien. Il y a un délire verbal, il y a une violence verbale qui va notamment devenir très forte à la veille de la guerre. Pour deux raisons, l'arrivée massive de réfugiés venant d'Allemagne, mais aussi de Tchécoslovaquie, d'Autriche après l'Anschluss, donc une arrivée de nouveaux émigrés juifs. Et puis alors cette idée qui va être véhiculée par la presse d'extrême droite et par les mouvements d'extrême droite, que dans le fond les juifs veulent la guerre pour régler leur compte avec Hitler, et par conséquent ils poussent les gouvernements français, notamment, alors évidemment il y a le thème de Blum, chef de gouvernement, un juif chef de gouvernement, et que tout ça concourt à faire la guerre contre Hitler, alors que ce qu'il faudrait, ils me disent, c'est au contraire s'allier avec Hitler, ou du moins faire la paix avec Hitler. Donc il y a une assimilation de l'antisémitisme et d'un certain bellicisme de la gauche qui voudrait barrer la route à Hitler. Jacques Doriot. Nous avons le devoir de reprendre ce qui a toujours été les idées de la classe ouvrière, le rapprochement des peuples et éviter une nouvelle conflagration européenne. Le but principal de notre campagne, c'est d'assurer la paix dans les foyers. Bravo, bravo, bravo. Là, il y a la naissance du grand parti fasciste français, car il y a eu un grand parti fasciste français, et comme le Parti National Fasciste en Italie, comme Mussolini, il rassemble là, alors très nettement, extrême-gauche et extrême-droite, puisque Doriot vient du Parti communiste, c'est une figure montante, c'est la grande figure montante du Parti communiste, c'est le Rivaldo Torres, hein, ouvrier, ré-ouvrier, chef des Genèves communistes dans les années 20, et devient le numéro 2 ou 3 du Parti communiste français. Son ascension se fait à travers le thème de l'antifascisme. C'est pour être antifasciste qui lance l'idée d'un front populaire, on dit à l'époque d'un front commun avec les socialistes et même avec les libéraux. Il est exclu du Parti communiste et il va fonder sa propre organisation qui au début apparaît comme un mouvement d'extrême gauche rival du Parti communiste, puis très rapidement va être à la fois financé par certains grands intérêts et peuplé de gens qui viennent non pas de l'extrême gauche mais de l'extrême droite. Pascal Horry. C'est là l'un des problèmes de ces organisations, c'est d'être des partis uniques à plusieurs, de créer un front révolutionnaire national qui est la seule tentative un peu sophistiquée d'union entre elles qui échouera. Il y a enfin des organisations militaires et policières qui ne se confondent pas avec les partis politiques, telles que bien entendu la LVF, la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, qui se crée en 1941. C'est le PPF d'ailleurs qui va très vite en être le principal animateur, mais au sein même de la LVF, qui au bout du compte ne regroupera même pas 10 000 combattants réels, c'est au sein de cette LVF que se manifestent aussi les contradictions internes de ces groupements. Doriot paye de sa personne, DAPA, et finalement, bon, c'est à qui contrôlera sous l'œil agacé des Allemands, ou ironique des Allemands, cette légion. Il y a aussi la milice, qui est une organisation de l'État français, créée en zone sud, Les Allemands, paradoxalement, s'en méfient car c'est quand même une organisation armée et dont le but n'est pas de combattre à l'extérieur comme la LVF, mais à l'intérieur contre tous les fauteurs de troubles, y compris donc très vite des maquisards, des résistants. Cette milice n'est autorisée en zone nord qu'en janvier 1944, quand les Allemands comprennent qu'elle leur sera plus utile que néfaste. Et cette milice est issue, par une série d'épurations, de sélections et d'ajouts d'ailleurs, du service d'ordre légionnaire, donc du groupe de corps francs parallèles à une très vaste organisation qui, elle, n'avait rien de collaborationniste, qui était strictement pétiniste, qui était la Légion française des combattants. Mais c'est à se dire, là aussi, que par une série de paliers, que tous, certes, et loin de là, ne franchissaient pas, mais par une série de paliers, on pouvait passer du pétinisme le plus modéré au collaborationnisme le plus strict, car on peut dire que c'est la milice qui a poussé le plus loin, en 1944, la collaboration militaire et policière avec les Allemands, allant jusqu'à noyauter une partie des administrations, une partie de la police, une partie des structures pénitentiaires, créant des tribunaux d'exception, etc. Il y a enfin la Waffen-SS française, ou plutôt les Français s'engageant dans la Waffen-SS et finissant par constituer avec les débris des organisations précédentes, groupements miliciens, PPF, etc., la division Charlemagne. J'oubliais les hommes qui vont travailler la main dans la main avec la Gestapo, dont il est difficile d'estimer le chiffre, et qui parfois se retrouveront eux aussi soit dans la milice, soit dans la SS. Demain, à la suite de cette évocation, nous recevrons le réalisateur Stéphane Benamou pour son documentaire « La guerre du numéro 5, un parfum en pleine Seconde Guerre mondiale ». Histoire vivante vous a été présentée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté, dans lequel vous retrouverez demain d'autres développements du sujet. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Danton, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.